Sur le tard d'Evening Rambo, chapitre 1er, à Alfred Edwards. 6 heures sonnaient au maigre clocher de l'église du Crétois, lorsque le train venant de Paris s'arrêta à la station de Saint-Lambert. Le chef de gare et les 3 seuls employés qu'il avait sous ses ordres étaient debout, regardant d'un œil distrait les têtes curieuses ou ennuyées des voyageurs qui mettaient le nez à la portière. La locomotive haletante, obéissant au sifflet du chef de la station, allait reprendre sa course lorsqu'un jeune homme, endormi sans doute, ou qui avait mal entendu le nom aboyé par le conducteur du train, fit de grands gestes, penché en dehors de la portière d'un compartiment de première classe, et finit par descendre au moment où les roues du wagon démarraient péniblement des rails polis. Il tenait à la main une petite mallette. « Il était temps, monsieur, » fit le chef de gare, un homme habitué à ces menus incidents de voyage qui ne pouvaient l'intéresser. « Voudriez-vous, » dit le jeune homme, « m'indiquer la route que je dois prendre pour me rendre au château des Tilleuls ?»« Ah, monsieur l'hôte attendu par monsieur de Soutis. Eh bien, en quittant la gare, vous trouverez sur votre gauche un sentier encaissé entre 2 haies de noisetiers. Vous le suivrez tout droit, jusqu'à ce que vous tombiez sur la route départementale qui le coupe en croix. Vous tournerez alors à votre droite. À 3 portées de fusil, vous vous trouverez en face de la grille du château. Si vous aviez quitté Paris par le train du matin, vous auriez pris la voiture de M. de Soutis qui vous attendait à 2 heures. Au surplus, ajouta le chef de gare, faisant de son mieux pour marquer son amabilité, je peux vous donner un de mes hommes qui portera votre valise. Vous ferez la route de conserve avec lui. Merci, monsieur. Mon bagage est léger et je préfère me rendre seul au château. Le nouvel arrivant quitta la station, s'engagea d'un pas alerte et à grandes enjambées dans le sentier qu'on venait de lui indiquer. Le spectacle nouveau qui l'entourait semblait le laisser indifférent. Les bruissements d'insectes s'échappant des haies, les cris de quelques paysans qu'on percevait au loin derrière le double rideau de verdure où il se trouvait enfermé ne purent mettre en éveil sa pensée qui était ailleurs. Il allait droit devant lui, poussant de ses gros souliers de chasse les pierres qui roulaient avec un bruit sec sur le sol absolument durci. Au bout de 20 minutes, il quitta le sentier ombreux et tourna sur la grand-route poudreuse et plate qui se développait à perte de vue au milieu d'une plaine immense où çà et là des pommiers, chargés de fruits, tordaient leurs branches noueuses. Il atteignit bientôt les murs d'enceinte d'un parc dont les arbres émergeaient au-dessus de pierres usées, rongés par une quantité de pariétaires les plus variées. Après avoir longé ces murs pendant quelques minutes, il se trouva juste en face d'une grande grille mangée de rouille. Il venait d'arriver au but de son voyage, et la vie commençait pour lui. En effet, des cris joyeux se faisaient entendre, des cris d'enfants excités par leur jeu, et dont les notes aiguës se confondaient avec d'autres cris, ceux-ci poussés par des hirondelles qui faisaient là-haut, avec leurs grandes courbes, les rondes du soir, en plein azur, avant l'heure du coucher. Cette manifestation de vie joyeuse le rappela tout à coup à la réalité. Calme, tout à l'heure, indifférent, il se sentait maintenant envahi par une réelle émotion, dont, malgré un très grand effort de volonté, il ne pouvait se défendre. Il s'assit alors sur le revers du fossé pour se remettre un instant. Le soleil flamboyant avec ses reflets de feu de forge descendait lentement, au milieu de la gloire de ses rayons, vers cette plaine qu'il embrassait sur toute son étendue. Derrière la grille, de superbes avenues de tilleuls séculaires aux frondaisons épaisses conduisaient au château. Entre elles, une vaste pelouse à moitié fauchée. L'herbe, réunie en petites meules éparses, formait des mamelons sur lesquels de jeunes gens de 13 à 14 ans et 2 jeunes filles plus âgées s'exerçaient, comme de grands enfants, à des gymnastiques plus ou moins habiles, qu'accueillaient tantôt de grands éclats de rire aux gammes argentines, tantôt des applaudissements effrénés, auxquels 2 grands chiens de chasse et un chien de garde mêlaient en bondissant leurs aboiements retentissants. Une femme de 40 ans environ, renversée en un fauteuil de jardin, tirait à intervalles égaux des aiguillets de tapisserie dont le canevas en bande se déroulait sur sa robe. Le château, derrière. Ce qu'on appelait le château n'était, à dire vrai, qu'une immense maison plate, à 2 étages, sans pavillons latéraux. Une manière de caserne, construit en briques rouges dont les joints de ciment blanc étaient depuis longtemps partis. L'angle des murs, de la porte du milieu et des fenêtres était de fortes pierres de taille. Un toit haut d'ardoises galeuses, sans mansarde, surmontait cette construction qui semblait tomber en ruine. À droite, derrière une des allées de tilleuls, le corps de ferme, que trahissait en même temps qu'une forte et âcre odeur de fumier d'étable, le gloussement des poules et des dindons et la fanfare éraillée de coqs au plumage luisant. À gauche, les communs et la maison de garde Baricot. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouvertes. Dans l'embrasure de l'une d'elles, un homme qui pouvait avoir 45 ans, penché sur un chevalet, peignait avec assiduité. C'était monsieur de Soutis. Tout à coup, madame de Soutis, interrompant son ouvrage de tapisserie, s'adressa à une des deux jeunes filles, la plus intrépide, du reste, dans ses exercices un peu garçonniers, et lui dit « Dites-moi, Julie, ne vous semble-t-il pas singulier que nous n'ayons reçu aucune nouvelle de votre frère ? Il aura peut-être été un peu trop paresseux pour prendre ce matin le train de 8 heures, mais il aura pu nous prévenir. » Mademoiselle Julie Breton cessa ses jeux et arriva tout essoufflée, toute rouge, les cheveux remplis de brindilles d'herbe, en répondant d'une voix matine. « Si Valère a manqué son train du matin, j'ai quelque chose, moi, qui me dit qu'il n'a pas manqué celui de midi. » Et ajouta-t-elle en riant, « qu'il s'avance à grands pas, qu'il pousse la grille du parc. » Puis se retournant brusquement, « qu'il entre et, tenez, le voilà. » Au même instant, le voyageur apparut. Julie Breton, d'un bond, s'élança à l'avance de son frère, pendant que les deux jeunes gens, Maurice et Lucien de Soutis, la suivaient d'un pas plus raisonnable. Mademoiselle Marguerite de Soutis, au nom de Valère, avait échangé un coup d'œil rapide avec Julie et, devenue subitement sérieuse, s'était rapprochée de sa mère. Maintenant, Valère Breton s'avançait au milieu de la pelouse et saluait la châtelaine des tilleuls, qui lui tendait, d'un mouvement brusque, un peu protecteur, une main amicale cependant. « Vous voilà, beau retardataire, » lui dit-elle en riant. « Encore quelques graves affaires qui vous a retenu à Paris. » Puis, lui mettant familièrement la main sur la bouche, « Pas d'explication, nous connaissons vos raisons d'avance. »« Ah, c'est vous, mon brave ami, » dit M. de Soutis, en donnant son petit doigt au nouvel arrivant. « Je ne vous prends pas les mains, cher enfant, elles sont pleines de couleurs. N'écoutez pas les vilains reproches qu'on vous fait, et venez avec moi. Je vais vous conduire à votre chambre. Vous ne sauriez croire, mon cher Valère, combien je me sens le cœur tout réchauffé en voyant votre brave et belle figure. Barrican, Octavie, pas un seul de ces animaux ne viendra pour prendre votre chapelière. Donnez-la-moi. » Lucien de Soutis, sur un signe de sa mère, débarrassa Valère de son bagage et tous trois entrèrent dans le château. « Georges, dit madame de Soutis à son mari, ne soyez pas longtemps. Ne vous éternisez pas dans vos bavardages habituels. On va se mettre à table. Entendez-vous le premier coup du dîner qui sonne ? » La cloche, en effet, une vieille cloche fêlée, envoyait dans l'air ses appels d'une voix enrouée. « Est-ce que monsieur le curé ne devait pas dîner ce soir avec nous ? » demanda mademoiselle Marguerite de Soutis. « Je m'étonne de ne pas le voir arriver, lui, c'est exact, de coutume. » « Vous savez bien que c'est aujourd'hui le premier mercredi du mois, » répondit Julie, « et que le premier mercredi de chaque mois, l'abbé Bertillon va à la conférence chez le curé de Saint-Maur, au chef-lieu de canton, qu'il y a là un fort déjeuner, où la vieille eau-de-vie de cidre fait son apparition accoutumée. Ces jours-là, tout conférencier qui déjeune dîne du même coup. « Taisez-vous, impie, » dit madame de Soutis, « pour que le curé ne soit pas ici, il est arrivé quelque chose. Voici d'ailleurs Fanchette, sa gouvernante, qui vient nous apporter des nouvelles. » Une vieille femme, proprement mise, coiffée d'un bonnet plat de linge blanc, à ruche discrète, les mains cachées derrière un large tablier de cachemire noir, bien étalé sur sa robe, s'avança à pas compter, puis s'arrêta et fit une révérence. « Madame la marquise, vous ne verrez pas monsieur le curé ce soir, » dit-elle. « Le pauvre digne homme est dans son lit. » « Que lui est-il arrivé ? » interrogea Julie Breton, prenant tout à coup un air de grand intérêt. « Il lui est arrivé, ma belle demoiselle, que monsieur le curé ne veut jamais me croire. Il se figure qu'il a toujours 25 ans, quand il n'aura 83 bien sonné à la chandeleur. Malgré mes recommandations, figurez-vous qu'il s'est imaginé ce matin, une demi-heure avant de partir pour la conférence, déchenillait des pêchers. Il a pris une échelle, il a grimpé dessus et, patatras, un éblouissement l'a fait tomber par terre comme une masse. Ignace, le bedeau, l'a aidé à se coucher. Et je venais, sur sa recommandation, présenter ses excuses et ses respects au château. « Nous irons, Fanchette, rendre visite demain à monsieur le curé. En attendant, dites-lui tous nos regrets et faites-lui tous nos compliments. » Et suivie de ses enfants et de Julie Breton, elle entra dans la salle à manger, où, quelques instants après, monsieur de Soutis, Valère et Lucien arrivèrent à leur tour. Pendant les premiers moments, on entendit dans cette vaste pièce, au plafond de laquelle montait lentement la fumée du potage servi dans une vaste soupière d'une faïence peinturlurée, que le bruit des cuillères choquant les assiettes. Tout ce monde était trop occupé à satisfaire les exigences d'un appétit de campagne pour songer un instant à entamer la conversation. L'instinct parlait avant le cerveau. Ce fut Julie Breton qui, la première, rompit le silence. D'un ton décidé et la tête renversée, débarrassant d'un geste d'enfant sauvage son front qu'envahissaient les petites mèches frisées naturellement de sa chevelure d'ébène, le nez en l'air aux narines frémissantes, l'air curieux et émerillonné, elle s'adressa à son frère. « Quelles nouvelles nous apportes-tu de Paris, ou plutôt de Versailles? Est-ce que M. Thiers est toujours aussi rageur ?»« Pourquoi me demandes-tu cela ?» répondit Valère. « Tu ne sais donc pas, monsieur l'ingénieur, que si ta sœur s'occupe de politique, ce n'est pas tant pour elle que pour toi, bel ingrat. Je mène à ton profit, et sans que tu le saches, une petite intrigue, dont tu me feras des compliments lorsque je l'aurai conduite à bonne fin. En attendant, j'ai besoin de savoir comment se comporte la santé de monsieur le président de la République, comme dit monsieur de Soutis. » Valère avoua timidement que jusqu'à présent, il s'était fort peu inquiété de la santé de celui que par lyrisme, on avait appelé le libérateur du territoire. « En cela, vous n'avez pas raison, » dit monsieur de Soutis. « Libérateur ou non, monsieur Thiers est chef de l'État. Vous êtes serviteur de l'État, et je sais, par votre chère sœur, que vous ne seriez pas mécontent d'obtenir votre nomination dans un arrondissement qui vous éloignerait le moins possible de votre mère. Mais vous détestez les démarches, et il vous est commode d'en laisser la peine à mademoiselle Julie, qui s'acquitte fort bien de ses fonctions de providence. » À ce moment, le regard de mademoiselle Breton se dirigea lentement vers le maître de la maison. Celui-ci sourit doucement et d'un ton mirailleur mi-convaincu, ajouta « Est-ce que par hasard vous n'aimeriez pas les compliments, mademoiselle ?» Julie, devenue subitement sérieuse, dans un redressement de petit coq en colère, répondit d'une voix brève « Je les ai en horreur, monsieur le marquis. » « En cela, vous êtes une exception, ma chère enfant, parmi la plupart des femmes. »« Julie, quittez cet air sérieux, je vous en prie, » interrompit Marguerite de Soutis. « Le sourire et la belle humeur conviennent plus à votre physionomie que cette apparence fâchée et boudeuse. » Valère, qui s'était tu pendant ce court dialogue, crut le moment venu de sortir sa sœur de l'embarras qui la menaçait. « C'est moi, ma chère Julie, qui, bien involontairement, et obscurcit pour un instant la sérénité habituelle. J'en demande pardon à ta susceptibilité un peu excessive, et je ne puis mieux te marquer mon repentir qu'avec un aveu qui me sera peu favorable. Je suis réfractaire aux démarches et aux choses de la politique. On croit généralement dans le monde que tout élève de l'école polytechnique est doublé d'un républicain farouche. Là encore, il y a des exceptions, et j'en suis une. Depuis que je suis entré dans l'administration des ponts et chaussées, j'ai évité toute relation avec les gens qui parlent politique. Vous le savez, monsieur le marquis, une fois que j'ai consciencieusement donné à mon pays la somme de travail qu'il est en droit d'exiger de moi, je deviens égoïste et je vis pour moi-même. Alors je me donne entièrement à la malheureuse passion qui s'est emparée de moi. Et peut-on la connaître ? Demanda madame de Soutis. La musique, madame. Vous ne vous contentez donc plus de jouer à miracle les valses que vous nous avez fait entendre l'hiver dernier à Versailles ? Interrogea mademoiselle de Soutis. Monsieur compose, dit en reprenant sa gaieté mademoiselle Julie Breton. Monsieur est jaloux de Richard Wagner. Admirateur zélé, mais jaloux pas. Vous voyez, monsieur de Soutis, que votre hôte n'est pas précisément dévoré par l'ambition. Cependant, ma nomination à un poste qui me rapprocherait des miens et de mes amis et son regard croisa furtivement celui de Mademoiselle de Soutis, me comblerait de joie. Je m'y emploierais, mon bel ami. Et de fait, personne n'était plus en situation de protéger ses amis que le marquis Georges de Soutis. Le repas se termina dans une conversation générale à laquelle prirent part Maurice et Lucien, qui, peu expansifs d'ordinaire, donnèrent cependant libre cours à leur langue. Ces deux frères, dont l'aîné, Maurice, se préparait à l'école de Saint-Cyr et le second, au Borda, avaient pris en réelle amitié Valère et sa sœur. On sortit de table et tout le monde se réunit de nouveau sur la pelouse où le café était servi. Valère s'assit à côté de Madame de Soutis, tout près de sa fille, qui refusa l'invitation, cependant fort éloquente, de Mademoiselle Breton, de recommencer avec ses deux amis, Maurice et Lucien, l'escalade des meules. Le soleil était couché, et la lune pleine éclairait le paysage de sa lumière blanche. L'heure de l'apaisement était venue. À la ferme, maintenant, tout dormait. Le calme régnait en maître, et là-bas, dans les champs, à perte de vue, et plus près, dans le petit village de Crétois, le silence s'étendait, enveloppant tout de son mystère. Monsieur de Soutis, se promenant seul, s'arrêtant par moments, fumait sa cigarette, et les trois enfants, plus actionnés que jamais à leur jeu, roulaient sur le foin coupé où s'envoyait à pleine brassée l'herbe fauchée du matin qui répandait dans l'air sa forte et enivrante senteur. « Mes enfants, vous allez avoir trop chaud, » dit en se levant Madame de Soutis. « Et vous, trop froid, madame, » répondit Mademoiselle Breton. « L'air devient vif, et je crains que vous nous enrhumiez. » « Mais tu es donc infatigable, » reprit Valère en s'adressant à sa sœur. « Un peu garçonnière, voilà tout, » reprit Madame de Soutis. « Je ne te fais pas un reproche d'adorer la musique, mon cher frère. Cette belle musique qui n'est en somme qu'un composé de bruit et de mouvements. Sois donc indulgent aux manies bien inoffensives d'une pauvre jeune fille de 17 ans qui pense qu'on peut s'amuser et faire son salut sans vivre en ménage continuel avec le grand art. » Cette jeune fille est amusante, dit Monsieur de Soutis à sa femme en lui donnant le bras pour rentrer au château. Marguerite, au bras de Valère, suivit ses parents, et Julie, tenant par la main ses deux grands amis Maurice et Lucien, encore tout essoufflés de leur jeu, pénétra à son tour dans le vestibule où les attendait Octavie qui finissait d'allumer le bataillon des bougies. Chacun remonta dans sa chambre après d'interminables et bavards souhaits de bonne nuit. Au bout d'une demi-heure, le château, à son tour, était plongé dans le silence. Valère, cependant, ne dormit pas. C'était en vain que, les bras hors du lit, rapprochés de sa bougie, il tentait de continuer la lecture d'un livre commencé. Les préoccupations qu'il avait absorbées pendant le chemin de la gare au château continuaient-elles de nouveau ? Récapitulait-il dans son esprit les moindres incidents qui s'étaient produits depuis son arrivée au tilleul ? La pensée de son changement de résidence, avec le grand désagrément des connaissances nouvelles qui en seraient la conséquence, l'empêchait-elle de tenir son esprit attaché à une lecture quelconque ? Toujours est-il que, combattu entre le désir de continuer son livre ou celui de prendre quelque repos, incapable d'une volonté, il restait étendu en proie à des pensées vagues auxquelles il ne pouvait longtemps s'arrêter. Tout d'un coup, il tressauta. D'un mouvement rapide, il s'assit sur son lit et dit d'une voix impérieuse « Qui est là ?» En effet, un coup discret avait été frappé à sa porte, dont la clé avait été laissée dans la serrure, du côté du corridor. La réponse ne se fit pas longtemps attendre. « C'est moi, Valère. Entre. » Julie pénétra dans la chambre de son frère. Elle était vêtue d'un long peignoir blanc sur lequel s'étalait, comme un épais rideau, ses cheveux largement ondulés et terminés par des bouclettes révoltées. Sans plus de façon, elle posa le bougeoir allumé, qu'elle tenait à la main, sur la table de Valère et vint s'asseoir d'un pas furtif au pied de son lit. « Que t'est-il donc arrivé ? Es-tu malade ?» Et se disant, il la regardait de la tête aux pieds lorsqu'il s'aperçut que la jeune écervelée était sans bas et sans chaussures. « Es-tu folle de courir ainsi sur le carreau des couloirs, au risque d'attraper un épouvantable rhume ?»« Ne gronde pas. J'ai voulu éviter qu'on s'aperçût de ma visite, car les choses que j'ai à te dire sont importantes et ne sauraient attendre. Et enfin, je ne vois que ce moment pour causer seul, sans crainte d'être surpris. C'est la première fois que tu viens ici. Or, tu ne sauras jamais ce qu'il m'a fallu de diplomatie pour arracher à Madame de Soutis ton invitation. Je suis sûr du marquis. Quant à sa femme, c'est autre chose. Avec ses apparences en dehors, sa brusquerie, qu'on prendrait pour de la franchise, elle est la plus méfiante personne que tu puisses imaginer. » S'est-elle donc aperçue du penchant qui m'attirait vers Marguerite lors de notre séjour à Versailles? Marguerite, jeune comme elle est, se serait-elle trahie? Oh, pour cela, sois sûr du contraire. J'ai bien plus confiance en elle qu'en toi. Et pourquoi, mademoiselle l'esprit fort? Simplement parce qu'elle est femme. Sois assurée aussi que si la marquise avait pu se douter du sentiment de tendresse qui vous unit, sa fille et toi, jamais, au grand jamais, elle n'aurait toléré ta présence ici. Elle ne t'a fait venir que pour m'être agréable, en raison de la profonde et sincère affection que nous avons l'un pour l'autre. Depuis 6 semaines que je suis chez les Soutis, j'ai eu le temps de me confirmer pleinement dans l'opinion que je m'étais faite d'elle à Versailles. Aujourd'hui, je la connais bien, et elle ne me connaît pas, ce qui me donne, malgré son expérience de mère de famille, une incontestable supériorité sur elle. Vois-tu bien, mon cher Valère, la marquise appartient par sa famille à une aristocratie provinciale qui, pour avoir des apparences de simplicité, de sans-gêne même, ne perd rien de son rigorisme, ni des prétentions de sa race. Elle est parfaitement décidée à ne marier Marguerite qu'un homme de son monde, ayant blason et titre. Pour vaincre la répugnance instinctive qu'elle a pour de petits bourgeois comme nous, il faut agir avec prudence et discernement, ne rien livrer au hasard, et mener tes affaires assez habilement pour rendre tout refus impossible. Je veux dire qu'il faut te faire aimer de Marguerite, d'une façon assez violente pour que ses parents, bien convaincus que son bonheur ne peut être qu'en toi, se décident, par amour paternel, à ce qu'ils appellent une mésalliance. Le jour où ils verront leur peau, la santé même de leur enfant sérieusement menacée, nous aurons quelque chance de les voir revenir sur leur morgue entêtée. Voilà où est l'ennemi, le respect humain et les conventions mondaines. Oh, il ne faut pas te le dissimuler, c'est une lutte de tous les instants. Lutte où tu devras t'observer beaucoup pour ne pas te trahir et éloigner jusqu'à l'ombre d'un soupçon. Tu peux compter sur moi, moi, la plus jeune, pour t'aider de mes conseils. Je te demande, même en grâce, de m'obéir aveuglément. Nous avons pour nous, dans ce siège en règle, un allié dans la place, allié sûr et fidèle, puisque c'est le principal intéressé, je veux dire Marguerite. Maintenant, et tu vas voir si j'ai mûrement et sagement combiné mon plan, j'ai mis, dans ma tête de folle, comme tu dis, de me créer, le cas échéant, une influence précieuse. Madame de Soutis a beau porter haut son titre et ses origines, elle n'est pas seule à prendre une détermination dans les choses de la famille. Monsieur de Soutis a une volonté. Il est même jaloux de son prestige et malgré sa bonne éducation, il lui arrive de le laisser voir. Eh bien, je me charge, moi, de Monsieur de Soutis. » Valère avait écouté sa sœur sans tenter même de l'interrompre. Mais en l'entendant parler sur ce ton décidé, raisonner comme un diplomate, déduire comme un algébriste, analyser comme un psychologue, il ne put déguiser son étonnement. Était-ce bien sa sœur, qu'il avait toujours connue si bonne, si simple, si naïve, qu'il avait traitée en petite fille obéissante et pieuse, incapable d'une mauvaise pensée, que le couvent venait de lui rendre ainsi transformée? Il oubliait un moment son amour pour mademoiselle de Soutis, et songeait avec un effroi mêlé d'une réelle douleur à ce que lui avait dit celle qui l'appelait autrefois son petit Julot. Ce sentiment fit bientôt place à un mouvement de révolte et presque de crainte. Valère, en effet, était l'être le moins compliqué qui fût. Il avait été rudement élevé. Sa mère, veuve de bonheur, était restée seule au monde avec ses 2 enfants, dans une position presque précaire. Les revenus d'une maître d'hôte et la pension que le ministre lui fit après la mort de son mari suffisaient à peine à la vie de tous les jours. Elle avait envoyé son fils dans une pension où l'enfant montra de telles dispositions que le directeur consentit à ne réclamer aucune rémunération, sentant qu'il avait sous la main un sujet remarquable, un lauréat en herbe pour tous les concours, qui serait, en même temps qu'un bon profit, un grand honneur pour sa maison. Valère ne déçut point ses espérances. Raisonnable avant l'âge, il travailla comme un mercenaire, mais avec plaisir cependant, comme par besoin, et un peu plus tard, il faut le dire, par satisfaction d'amour-propre. Ses succès, dans les premiers temps, l'enorgueillirent facilement. De distraction, il n'en avait aucune. Les jours de petites sorties, aussi bien que pendant les vacances, il travaillait encore, toujours le nez dans ses livres. Cette exagération d'assiduité aurait pu compromettre sa santé, mais il n'en fut rien. Madame Breton, d'ailleurs, fermait volontiers les yeux, d'abord parce que ses préférences étaient tout acquises à sa fille et qu'ensuite, elle se carrait volontiers dans les succès de son fils, sentant sa vanité agréablement chatouillée chaque fois que les gens de la ville de Versailles disaient, en la voyant passer, « Elle est heureuse, cette Madame Breton, d'avoir un pareil sujet pour enfant. » Aussi, les pères de famille ne cessaient-ils de montrer à leur fils Valère comme exemple. Pendant ce temps, toutes les gâteries étaient réservées à Julie. Le jour où, le temps du collège terminé, Valère fut reçu et dans un bon rang à l'école polytechnique, Madame Breton, en signe de liesse, lui paya le spectacle. Ce fut la première fois qu'il mit les pieds dans un théâtre. Les deux années passées à la rue Descartes et à l'école des Ponts modifièrent peu l'existence et les dispositions d'esprit du jeune homme. Le travail était décidément un besoin. Ne partageant avec ses camarades que les distractions qu'il ne pouvait éviter, il ne soustrayait de ses heures d'études que les moments qu'il consacrait à la musique pour laquelle il avait une réelle passion. Lorsqu'il fut nommé à Ajax, ingénieur des ponts et chaussées, il apporta dans ses nouvelles fonctions toute la compétence et tout le zèle auquel l'avaient préparé de longues et sérieuses études, mais du même coup, une ignorance complète de la vie. Il continuait d'être le bon et remarquable sujet du collège. Grand, solidement taillé, les épaules un peu hautes, il portait simplement une tête véritablement belle. Les cheveux châtains, frisés, une barbe soyeuse, taillée en pointe, un nez aquilin à l'arête fine, que soulignait une moustache délicatement dessinée, des yeux superbes, longs ciliés, d'un bleu franc, un peu vague. Tout cet ensemble faisait de lui ce qu'on appelle un joli homme. Une seule petite tare à cette physionomie pleine de charme, Valère était myope et ne quittait jamais son pince-nez. Ce bûcheur entêté et persévérant ignorait le mal. Franc et loyal, il ne pouvait admettre que les autres ne le payassent point de retour. Les tendances matérialistes, dont font assez souvent parade les hommes de science, ne l'avaient point atteint. Sans être religieux, dans l'acception propre du mot, il n'était point sceptique. À ce point de vue, il semblait plus indifférent que dédaigneux. Par contre, les questions de sociologie avaient pour lui une grande attirance. Amoureux du travail, les inactifs seuls ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Il avait voué à sa mère une réelle et profonde affection que n'avait su entamer ni la préférence marquée, injuste même, que celle-ci témoignait à sa sœur, ni les écarts de cervelle et les allures pour le moins singulières de Madame Breton. Quelque temps après sa nomination à Gex, un parent éloigné était mort en lui laissant une somme de 400 000 francs bien liquide qu'il avait partagée de la façon suivante, 200 000 francs à sa mère et 100 000 francs à son cher Julot. Ceci donne la mesure de sa générosité comme aussi du peu de cas qu'il faisait de l'argent. D'où aux autres, animés d'un grand esprit de justice, ce savant n'aimait en morale que la ligne droite. Si, au physique, on ne lui connaissait qu'un défaut, la myopie, il faut dire que son caractère avait aussi le sien. Cet homme généreux, brave, simple et naïf, travailleur acharné, savant autant qu'on peut l'être, gardait pour lui toutes ses qualités maîtresses et malgré une patiente douceur, se laissait par moments aller à des violences singulières dont ses subordonnés avaient quelquefois à souffrir. C'est à Versailles qu'il fut présenté pour la première fois à la famille de Soutis. Dès qu'il aperçut Mademoiselle de Soutis, il éprouva un trouble qui lui d'abord peinait à s'expliquer, mais bientôt, la persistante pensée de la jeune fille devint pour lui une sorte d'obsession qui se traduisit peu à peu en un amour immatériel dont l'issue ne lui venait même pas à l'esprit. Il aima tendrement, chastement, puis à mesure qu'il la connut davantage, avec violence. Il connaissait trop l'esprit léger de sa mère pour lui en faire la confidence. Mais comme ce cœur primesautier sentait l'impérieuse nécessité d'un épanchement, c'est à Julie qu'il révéla son état d'âme. Aussi la surprise et la douleur le frappèrent-elles comme d'un coup violent, quand il entendit sa sœur développer avec complaisance le plan qu'elle avait arrêté avec une si précoce habileté. Au premier moment, il ne sut que répondre. Il gardait le silence, mais Julie, toujours assise sur le rebord du lit, lui dit du ton le plus naturel du monde avec un rire dans la voix. « Voyons, qu'as-tu, mon bon Valère? Viens-tu de perdre subitement l'esprit? Je m'attendais, je te l'avoue, à ce que tu accueillerais avec joie ma communication. J'espérais même, ajouta-t-elle avec un sourire mutin, que tu ferais des compliments à son auteur. Valère, comme réveillé tout à coup, prit les deux mains de sa sœur et, la regardant bien fixement dans les yeux, lui répondit « Ma chère Julie, il faut que tu saches d'abord que je fais un immense effort de volonté pour te répondre avec calme, que je n'oublie pas que tu es ma sœur, car autrement, je ne sais à quelle rage tu me verrais en proie. Qu'ai-je donc fait de mal ? Reprit-elle, naïve dans son vice. Tu m'as montré, ma pauvre chère sœur, que toi, que j'aime encore d'une si douce affection, toi, à qui j'attribuais avec la grâce de ton âge, ton intelligence éveillée, une âme simple, restée à l'abri des souillures et des vilaines choses de ce monde, tu es devenue tout d'un coup la victime de pernicieux et d'épouvantables conseils. Je ne saurais en accuser notre mère, mais si c'est au couvent qu'on t'a donné ces leçons de morale, celles que par ironie, sans doute, tu appelles les bonnes sœurs, méritent les injures dont certaines gens les accablent. Elles ne t'ont donc enseigné que l'art de dissimuler, de mentir. Elles ont gâté dans sa fleur ton cœur pur et candide, et poussant leur vilaine tâche jusqu'au bout, elles ont arraché ton âme à la divine illusion. Que de grands mots, mon cher ami, pour un si petit sujet. Allons, tu es mal luné ce soir, et tu n'es pas mécontent de trouver le placement d'une homélie rentrée. Tu aurais dû choisir une autre victime. Bonne nuit, je m'en vais. Non, tu ne t'en iras pas. Ce que j'ai à te dire n'est pas fini. Et comme tu le prétends toi-même, les occasions sont rares de causer cela seul. Je veux profiter de celle que tu m'as offerte. Mais pourquoi tous ces discours? Te figures-tu que je n'ai point compris? Que ton langage n'a pas été assez clair? Tu fais donc un procès à mon intelligence, que tu reconnais trop éveillée? Voyons. De bonne foi, résumons-nous. Tu aimes Marguerite de Soutis et tu veux l'épouser, n'est-ce pas? En suivant la voie ordinaire, tu es certain que ses parents te la refuseront. Combien de fois m'as-tu dit que ce refus serait le malheur de ta vie? Il faut donc éviter ce malheur. Je t'indique les moyens journellement employés dans le monde en pareille occasion et qu'il n'est venu à l'idée de personne de traiter d'infamie. Dans tout ceci, qu'ai-je en vue? Est-ce mon intérêt ou le tien? D'ailleurs, mon cher, tes appréciations de prud'homme ne sauraient m'atteindre. Mais puisque tu veux la vérité, je vais te la dire. Ce n'est pas au couvent qu'on m'a appris ce que tu appelles ma rouerie. Ce n'est pas au couvent qu'on a tenté de souiller d'impureté ma candeur dont tu parles comme d'une morte. Mais c'est maman, maman elle-même, à qui j'ai fait part de ton amour, que l'avait deviné du reste, qui m'a aidé à arrêter le plan de conduite que nous avions à tenir. Es-tu content maintenant? Balet reçut cette confidence sans trop d'étonnement. Rien, en effet, ne pouvait le surprendre lorsqu'il s'agissait de Madame Breton, dont il qualifiait le caractère de bizarre seulement, par excès de respect familial. Toute sa colère contre Julie tomba donc tout d'un coup pour faire place à un sentiment de réelle commisération. Il attira à lui sa sœur et l'embrassant tendrement. « J'étais bien sûr que ce n'était pas toi qui avais échafaudé tous ces projets ténébreux, indigne de l'honnêteté de ton cœur aussi bien que de celle qui en est l'objet. » J'aime profondément Marguerite. Tu m'as dit qu'elle m'aimait. Notre amour est trop vrai et trop chaste pour qu'il ne triomphe pas tout seul des obstacles qui pourraient se dresser devant lui. D'ailleurs, si le portrait que tu m'as fait de Madame de Soutis a quelque ressemblance, malgré certaines exagérations, je connais le marquis et je suis sûr qu'avec lui les choses marcheront plus facilement. Pour le moment, le mieux est de laisser l'événement se produire de lui-même. Julie, tout à fait réconciliée maintenant avec son frère, se leva, prit son bougeoir et s'éloigna lui souhaitant une bonne nuit, mais tout en conservant par-devers elle la ferme volonté de s'occuper, malgré lui, de ses affaires, convaincue qu'elle était que sans son aide, rien ne pouvait aboutir. La façon dont la famille Breton entra en relation avec les deux Soutis est assez singulière. Lorsque l'Assemblée nationale quitta Bordeaux pour s'installer à Versailles, M. de Soutis, qui avait été élu député de son département à une fort belle majorité, pria la marquise de trouver un appartement où ils pourraient s'installer tous. Madame de Soutis chercha quelque temps et finit par trouver, rue des Bourdonnais, un vieil hôtel meublé que les propriétaires avaient abandonné quelque temps avant l'invasion. Cet hôtel datait du siècle dernier, façade sur rue et jardin planté de vieux arbres sur les derrières. Il était assez vaste en ces deux étages pour que la famille, maître et Jean, y tînt largement à l'aise. En face, de l'autre côté de la rue, au premier étage, se trouvait l'appartement de Madame Breton. Lorsque celle-ci vit arriver de nombreuses voitures apportant un surcroît de mobilier, venant du château des Tilleuls, sa curiosité mise en éveil l'attacha à sa fenêtre. Là, derrière les vitres, le rideau relevé, elle suivait d'un œil intéressé les allées et venues des déménageurs, examinant dans ses moindres détails chaque objet transporté de la voiture sous la porte cochère de la maison. Son assiduité à ce poste d'observation fut encore plus grande lorsque les nouveaux hôtes vinrent s'installer définitivement. À partir de ce moment, elle n'eut plus qu'une envie, celle d'entrer en relation avec le marquis et la marquise de Soutis. Madame Breton était une grande personne, forte, à la figure poupine, encadrée de deux boucles anglaises qui tombaient fort bas. Dans la ville, Madame Breton avait la réputation d'une personne remuante, un peu bavarde, passablement intrigante. Mais son amour maternel dont elle faisait grand étalage, le succès de son fils, la gentillesse de Julie élevée au couvent, ce qui est un point important pour les gens bien pensants, enfin et surtout quelques œuvres de bienfaisance où elle s'était fait admettre à coups de diplomatie, sans que rien la rebutât, en qualité de dame patronesse, l'avait fait accepter dans cette société froide, béguine, collet-montée, peu indulgente, qui règne en maîtresse dans la ville de Versailles. Son mari, ancien secrétaire de la mairie où il était resté employé 35 ans, l'avait laissée veuve de bonne heure. On disait tout bas que ce pauvre monsieur Breton n'avait pas rencontré la plus fidèle des épouses. On rappelait même que dans ses belles années, la femme de monsieur le secrétaire de la mairie, beaucoup plus jeune que son aveugle mari, ne s'était pas montrée trop cruelle envers les officiers nombreux de la garnison. Mais tout cela se perdait dans les ombres du passé où toutes choses s'effacent petit à petit et finissent par disparaître avec le temps. Lorsque Madame Breton, toujours en faction à son poste d'observation, se rendit compte que ses voisins d'en face s'étaient définitivement installés, la pensée lui vint, indécise d'abord, de faire la connaissance de personnes qu'elle savait riches et puissantes. Bientôt elle s'arrêta à cette idée et chercha alors, d'une façon opiniâtre, les moyens de la mettre à exécution. Elle organisa ses batteries. Comme première attaque, elle se contenta d'adresser un amical sourire aux enfants du marquis, chaque fois qu'accompagné d'un domestique, il sortait de l'hôtel ou y rentrait. Les jeunes de Soutis ne prêtaient qu'une médiocre attention à ses invites. Mais le jour où Julie Breton montra son visage mutin à côté de celui de sa mère, ils rendirent l'amical salut qui leur était adressé. Ils en vinrent bientôt à parler à leurs parents de la vieille dame et de sa charmante fille. Madame de Soutis, en vraie mère qu'elle était, n'attribua ses avances qu'à la séduction que pouvaient exercer ses enfants. Mais la réflexion aidant, elle s'enquit de ce qu'était sa voisine. Les renseignements lui semblèrent suffisants lorsqu'une circonstance fortuite amena bientôt un rapprochement. Madame Breton, qui cherchait depuis longtemps l'occasion de nouer des relations avec les deux Soutis, profita d'une quête au profit d'un ouvrard installé dans la ville pour aller, en sa qualité de dame patronesse, demander à la marquise la moindre obole suivant le terme consacré. En effet, un après-midi, le domestique l'annonça à la marquise. Elle se montra pateline et côteleuse, elle expliqua en termes simples le but de sa démarche, s'étala complaisamment sur le sort si digne d'intérêt des pauvres petites orphelines, enfants abandonnés pour lesquels elle venait tendre la main. Elle eut des mines attristées et souligna de regards attendris le récit des misères humaines, puis, par un retour tout indiqué vers les bonheurs de ce monde, elle parla des enfants assez fortunés pour connaître les joies de la famille et elle en vint tout naturellement aux jeunes de Soutis. Rien qu'en les voyant, madame la marquise, on se rend compte tout de suite que vos chers enfants sont aimés et connaissent les joies ineffables du foyer. Un air de satisfaction enveloppe tout leur individu et comment pourrait-il en être autrement avec des parents comme les leurs? Rien ne leur manque, l'affection des leurs, la beauté, la fortune. Madame de Soutis, qui goûtait peu les compliments, ne put cependant résister aux éloges dont Marguerite, Maurice et Lucien étaient l'objet. Malgré sa fierté, elle se sentit touchée par ces éloges et, comme elle était charitable, elle remit 50 francs à la quêteuse qui sortira dans un déluge de remerciements. Madame de Soutis la reconduisit jusqu'à la porte du salon, et tendit à la visiteuse une main que celle-ci s'empressa de saisir en un mouvement de reconnaissante effusion. Madame Breton traversa la rue d'un pas alerte. La joie la rendait légère et elle rentra chez elle. Elle raconta immédiatement à Julie, impatiente, le résultat de sa démarche. « Nous voilà dans la place, enfin, ma petite mignonne. Il ne s'agit plus maintenant que de bien manœuvrer pour s'y maintenir. Ces gens-là, vois-tu, sont riches et puissants, par conséquent, utiles. C'est donc une relation inespérée que nous avons là, et qui sait, peut-être y trouveras-tu l'occasion de t'y marier. Te voilà en âge de songer à prendre un mari. Ton frère est casé dans une belle position que son travail, son intelligence ne feront qu'améliorer. Je me fais vieille, et je ne voudrais pas rejoindre ton père sans avoir assuré ton bonheur. Tu es jeune, jolie, instruite. Grâce à la générosité de Valère, tu as une petite dot de 100 000 francs à laquelle viendra se joindre ce que je te laisserai après moi. Tu représentes donc un parti des plus sortables, et tu peux avoir des prétentions justifiées. Que tu es bonne, ma chère maman, mais combien tu me fais de la peine. Pourquoi parler de ta faim? Pourquoi me torturer le cœur quand il me semble que je ne te quitterai jamais? En disant ces mots, elle s'élança vers sa mère, l'entoura de ses bras câlins, l'embrassa avec effusion. Puis revenant au sujet que sa cervelle de jeune fille avait longuement chevauché, lorsque dans le dortoir du couvent, étendue sur sa couchette entourée de rideaux blancs, elle songeait à l'avenir, elle reprit tout à coup. « Alors la marquise de Soutis t'a parlé de moi? J'ai évité même de prononcer ton nom. Je ne l'ai entretenu que de ses enfants à elle. Sois patiente. Au moment opportun, j'agirai comme il faudra. Je ne te demande qu'une chose, c'est de suivre de point en point les conseils que te dicteront mon amour pour toi et mon expérience de femme, qui a la prétention de bien connaître les choses de la vie. Tu ne fais, ma chère enfant, que naître à l'existence. La lutte pour toi va commencer. Il faut donc t'y préparer et t'armer avec soin, de façon à ne rien laisser au hasard. Le monde est vilain. Mets-toi cela d'abord dans la cervelle. Il est légion, et tu es seul contre lui. Par conséquent, tous les moyens sont bons pour réussir, car si tu tombes, tu n'auras personne pour te plaindre, tandis que si tu sors victorieuse, on s'inclinera devant toi. » C'est ainsi que, depuis quelque temps déjà, la bonne Madame Breton formait le cœur de sa fille. 15 jours passèrent, et Valère vint à Versailles faire une visite à sa mère. Madame Breton, qui n'avait pas perdu de vue un seul instant les projets qu'elle nourrissait, adressa à Madame de Soutis un billet dans lequel elle la priait de vouloir bien accepter pour le lendemain à 5 heures un thé qu'offrait sa fille et auquel elle serait honorée de voir assister ses 3 chers enfants. La marquise accepta, et c'est ainsi que Mademoiselle Marguerite de Soutis et ses frères firent la connaissance de Mademoiselle Julie et de Monsieur Valère Breton. À partir de ce jour, les relations devinrent continues entre les deux familles. Tout fut prétexte à rapprochement. Madame Breton, avec une ingénieuse facilité, faisait naître de nouvelles occasions. Sachant la marquise très pieuse, elle manœuvra si bien qu'elle parvint à la faire accepter pour Marguerite le confesseur de Julie. Plus tard, après une entente avec la loueuse de chaises à l'église, elle fit de ses voisines de la rue des Bourdonnais ses voisines dans la cathédrale Saint-Louis. Des concerts de bienfaisance réunirent encore Mademoiselle de Soutis à Julie Breton. Les sentiments religieux que Madame Breton montrait avec éclat conquirent la confiance de la mère de Marguerite et celle-ci n'hésita pas à lui confier quelquefois sa fille. Une sorte de vie intime s'établit entre les deux maisons et de fait, il était difficile qu'il en fût autrement. La largeur d'une rue les séparait seulement l'une de l'autre. Cependant, l'époque des vacances parlementaires approchait. Le marquis de Soutis allait retourner dans son département et la marquise commençait les préparatifs du départ, fixés au 20 juillet, pour s'installer avec ses enfants au château des Tilleuls. Madame Breton, qui se complaisait dans la façon dont elle avait mené sa barque, ne voyait pas sans inquiétude cette séparation de plusieurs mois. L'éloignement l'effrayait. Dans son langage un peu terre-à-terre et sa logique bourgeoise, elle se disait que les absents ont toujours tort. Comment parer ce coup? Par quels moyens empêcher que son influence cessât de s'exercer? Toutes ces questions se dressaient devant elle et lui faisaient des nuits d'insomnie passées à la recherche d'une solution pratique. Elle se leva un matin toute joyeuse elle aussi avait trouvé. Le résultat de ses veilles était celui-ci, employé son médecin, qu'elle avait procuré du reste à la famille de Soutis à l'exécution de ses projets. Les deux Soutis donnaient un dîner l'avant-veille de leur départ, dîner auquel étaient, tout naturellement, conviés Madame Breton et ses enfants. Madame Breton s'habilla en hâte et se rendit chez le docteur qu'elle eut la chance de rencontrer. « Mon cher ami, je ne suis pas sans inquiétude sur la santé de ma Julie. Cet enfant, trop surmené par son travail du couvent, a besoin de respirer le grand air. » « Mais qui vous empêche, chère madame, de la mener soit au bain de mer, soit ailleurs ?»« Valère, mon bon Valère, est-ce que je ne suis pas l'esclave de mes enfants ? Vous ignorez que l'ingénieur sollicite son changement de résidence. Or, le travail d'avancement se fait justement au ministère à l'époque où je pourrais utilement m'absenter pour la santé de ma fille. Et ma présence est absolument nécessaire à la situation de mon fils. Moi seul, je puis faire les démarches qui amèneront son changement. » Le docteur, quelque peu surpris, hasarda. « Je ne vois pas en quoi mon concours peut vous être utile. » « Écoutez-moi, et vous allez comprendre. Dans 6 jours, les deux Soutis que vous soignez, sur ma recommandation, avant de prendre leur quartier d'été, donnent un dîner, réunion familiale, tout intime, à laquelle on doit vous convier, je le sais, et où nous nous trouverons invités. Je ne vous demande qu'une chose, vous le voyez, je n'y vais pas par 4 chemins, et vous n'engagerez en rien votre conscience professionnelle, c'est de vous étendre, au courant de la conversation, sur les bienfaits de l'air des champs pour tout le monde en général et pour les jeunes filles en particulier. Ce faisant, vous m'obligeriez beaucoup. « Vous savez bien, madame, répondit finement le médecin, que je ne puis rien vous refuser. » Et madame Breton reprit le chemin de la rue des Bourdonnais. Arrivée chez elle, elle se dirigea aussitôt vers la chambre de Julie, qu'elle trouva en train de se coiffer. La jeune fille, assise devant une glace, procédait à l'arrangement de sa chevelure dont les boucles révoltées se soumettaient difficilement aux coups de brosse les plus patiemment donnés. Et puis, la coquetterie naturelle à son âge ne s'était-elle point crue sous l'influence des conseils de sa mère? Elle était vraiment charmante à voir avec sa mine éveillée, son teint clair et ses yeux piqués comme deux pierres précieuses noires sous l'arc fin et soyeux de ses sourcils. Ses bras exquis, qui commençaient à perdre la gracilité de l'adolescence, légèrement couverts d'un duvet de pêche, émergeaient, dans un contour harmonieux, des larges manches d'un peignoir matinal. L'arrivée subite de sa mère, qui rentra sans avoir pris le soin de retirer son chapeau, fut pour elle la cause d'un étonnement qu'elle ne dissimula pas. « Mais quelle heure est-il donc, chère maman? Comme te voilà habillée ? » dit-elle en se levant pour embrasser la bonne dame. « Je ne sors pas, mignonne, je rentre. Tu te doutes bien qu'il a fallu un motif important pour que je quitte la maison de si bonne heure. » Et devant la surprise de sa fille, qui paraissait ne pas comprendre, elle ajouta « Mais il s'agissait de toi, comme toujours. Je viens de chez notre médecin. Il te trouve trop bonne mine. Et de fait, comment veux-tu être intéressante avec tes joues de poupée à bonnet? Il faut, m'entends-tu bien, ma mignonne, pour quelques jours seulement ?» Laissez tomber ce teint de rose, rien n'est plus facile. En te couchant tard, en te levant de bonne heure, en marchant beaucoup, en allant par exemple pendant quelques jours à pied à Trianon, promener de la même façon, nous arriverions au résultat désiré. Il est nécessaire, en un mot, entends-tu bien, que tu aies momentanément, du moins, l'apparence d'une jeune fille anémiée, à qui seul l'air de la campagne peut rendre la santé et son éclat. Les deux Soutis s'en vont pour 3 mois. En égoïstes qu'ils sont, ils n'ont point songé à t'inviter au tilleul. Ta mère est trop fière pour le leur demander, et d'autre part, tu le sens bien, nous ne devons pas, pour les projets que nous avons conçus, nous laisser oublier un instant. Je veux amener la marquise à t'offrir, pour te rétablir de ton indisposition passagère, un séjour de quelque temps au château. Loin de se révolter contre une proposition aussi peu naturelle, Julie, tout au contraire, admira intérieurement la sagacité de sa mère. Elle entreprit immédiatement et presque en s'amusant le régime délétère qu'elle venait de lui prescrire. Il n'en fut pas de même de la servante qui, l'accompagnant dans ses marches forcées, s'étonna de ce nouveau et singulier régime. Au bout de 3 jours, il produisait déjà ses résultats. Julie avait maintenant les traits tirés, les yeux cerclés de noir, et grâce à l'exagération qu'elle donnait à une lassitude toute naturelle, Madame Breton put faire une visite à la marquise pour lui annoncer que la santé de sa fille ne la laissait pas sans inquiétude. Madame de Soutis ne releva pas ce changement subi. Elle répondit par quelques souhaits banals de rétablissement, sur lesquels la visiteuse se retira sans insister davantage, heureuse d'avoir posé un premier jalon. Le fameux dîner d'agneau arriva enfin. Maurice et Lucien de Soutis furent pleins d'entrain. La pensée de revoir la vieille maison familiale les mettait en joie. Marguerite, elle, était plus triste. D'une nature douce et résignée, facile à impressionner, elle s'était faite bien vite à l'habitude de voir tous les jours sa nouvelle amie vers laquelle elle se sentait de plus en plus attirée. Cette affection s'accroissait aussi de l'impression vague, mais cependant attirante, que Valère lui avait produite et que Julie, avec une délicatesse infinie, se plaisait à aviver. Quant à Mademoiselle Breton, pâle, alanguie, elle ne touchait que du bout de sa fourchette aux différents mets qu'on plaçait sur son assiette. Cette petite comédie discrète, d'abord inaperçue, attira l'attention de la marquise. En bonne mère de famille, elle en fit tout haut la remarque. À ce moment, Madame Breton, qui ne perdait pas de vue le docteur, fit un signe imperceptible et le médecin, de l'air le plus naturel, prit la parole. « Oui, Mademoiselle Julie traverse une crise qui ne doit pas encore inspirer de sérieuses inquiétudes. Néanmoins, il serait temps de lui opposer un régime suivi et rationnel. « Mais lequel ?» demanda Monsieur de Soutis. À cette question impérieuse, Madame Breton considéra le marquis comme une providence. « Pour commencer, » répondit le docteur, un changement d'air est indiqué. Quelques semaines passées à la campagne produiraient le plus salutaire effet. L'appétit reviendrait rapidement avec les forces et ces vilaines idées noires qui sont le propre des maladies de langueur chez les jeunes filles disparaîtraient comme par enchantement. Mais si Madame Breton et Mademoiselle Julie voulaient nous faire le plaisir et l'amitié d'accepter notre invitation, deux chambres sont prêtes à les recevoir au tilleul et nous partirions tous ensemble ? Dit Madame de Soutis. À ces mots, Madame Breton se répandit en remerciements et en grimaces. Que de reconnaissance elle devrait à la famille le rétablissement de sa chère enfant. Malheureusement, ajouta-t-elle, je ne pourrais accepter pour moi une si généreuse invitation. Je n'ai pas que ma Julie en ce monde, je me dois aussi à mon fils. Or, il m'est absolument impossible pendant les vacances de m'absenter de Versailles. Les démarches à faire, des voyages fréquents à Paris, des visites chez des personnages influents vont, pendant un temps que je ne saurais déterminer, m'attacher ici. Heureusement que la santé ne me fait point défaut, reprit-elle avec une petite moue mutine qui mit en valeur l'ampleur de ses joues rebondies et colorées. Mais l'offre si charmante qui m'est faite et dont je ne puis profiter, je la retiens pour ma fille, que je vous confie de grand cœur, madame la marquise. Oui, je vous la donne sans restriction. Et ce me sera une consolation, dans ma solitude, de la savoir près d'une mère telle que vous. » Julie, à son tour, mais sans marquer la moindre émotion, d'un air dolent et fatigué, adressa ses remerciements à Madame et Monsieur de Soutis, en regardant ce dernier d'un œil tout rempli de tristesse.